mojito, c'est le plus beau des mojitos. Aujourd'hui dans Chronique d'Histoire, je réagis à un reportage sur les bonbons garantis sans alcool, sans gluten, mais au goût mojito, pina colada et autres spritz. Il y a une association, SOS Addiction, rien que le nom, tu te doutes qu'il y a Anguille-sur-Roche, qui demande leur interdiction pure et simple. Oui, des bonbons interdits. Ou plus précisément leur parfum, car dans le doute, ils demandent à ce qu'on retire des cosmétiques parfums mojito et des liquides pour vapoter. Alors on va nous expliquer que ces bonbons goût mojito assiteront tôt ou tard nos chérubins à boire, en prenant exemple sur leur chocolat, enfants des années 80, levant nos verres, ou sur les cigarettes au chocolat et fumant son cœur. J'ai envie de dire à cette association que l'addiction au sucre et aux conneries contenues dans ces bonbons et les autres me paraît plus problématique en termes de santé publique que le reste. Donc, dans la composition des bonbons au mojito, 96 g de glucides, dont 59 g de sucre pour 100 g de bonbons. En colorant, E100, E133 et E161B. Allez voir sur internet, notamment en ce qui concerne E133, interdit en Allemagne et dans d'autres pays jusqu'en 1998. Autre remarque concernant cette requête. Où sont les parents? On les raye de l'équation purement et simplement. Après, le mojito est composé de menthe et de citron vert, ce n'est pas ce que les minots préfèrent. Les parents font des achats, vont sans aucun doute en prendre pour eux-mêmes, le gamin va goûter ses bonbons pour grand, et ça s'arrêtera là. Le raccourci manger des bonbons, finir accro à l'alcool me paraît rapide, alors que de la même façon, des études liées à la consommation excessive de sucre existent, mais servent surtout à caler l'armoire. De même façon, la petite pub d'Intermarché démontrant que notre cerveau est trompé sciemment par les colorants, c'est paradoxal dans cette démonstration par une chaîne d'hyper. Une glace goût citron avec un colorant rouge, le consommateur croira manger une glace à la fraise, la même avec un colorant vert, pour le testeur c'est de la menthe. Moralité, revenons à des produits sains et naturels et laissons ces associations combattre des moulins à vent en passant à côté de l'essentiel. Moralité, chaîne de vie.